Je suis un jeune volontaire, j'avance vers l'ennemi. Je suis si loin de mon pays, je me bats pour la patrie. J'ai juré fidélité à mon chef bien-aimé. Y'a qu'à la guerre qu'on est libre, Staline, on vient te finir. Sieg Heil, Sieg Heil, Sieg Heil, qu'on criait face à la neige. Le vent sèche le sang sur nos visages. Nous combattons pour un monde meilleur, pour envoyer ce vieux monde en enfer. Moins 40, la faim, rien dans le ventre, les balles sifflent de tous côtés. Dans cet hiver russe impossible, notre idéal nous rend invincibles. Nous prenons les rouges pour cible et dans notre sanglant sillage défile leur maudit cadavre. Marchons, marchons, marchons, et le diable avance avec nous. Nous combattons pour l'Europe et la liberté. Nous chassons de nos pays tous ces voyous, car notre honneur s'appelle fidélité. Qu'est-ce qu'elle était belle, la Légion Wallonie. Pour l'Europe nouvelle, j'ai sacrifié ma vie. Partis à l'aventure de toute la Belgique, détruire la pourriture judéo-bolchévique. Qu'est-ce qu'elle était belle, la Légion Wallonie. Pour l'Europe nouvelle, j'ai sacrifié ma vie. Partis à l'aventure de toute la Belgique, détruire la pourriture judéo-bolchévique. L'ennemi a trépassé, nous ne sommes plus qu'une poignée. Pleurons pour les frères tués, chantons pour toujours triompher. Mais à Stalingrad, le destin n'en fait qu'à sa tête. La défaite des Allemands marque la fin du front de l'Est. Adieu, adieu, adieu à toi, belle lueur d'espoir, vos rêves d'instaurer l'ordre nouveau. Le soleil pour mille ans doit briller là-haut, mais je ne vois dans le ciel que le désespoir. Qu'est-ce qu'elle était belle, la Légion Wallonie. Pour l'Europe nouvelle, j'ai sacrifié ma vie. Partis à l'aventure de toute la Belgique, détruire la pourriture judéo-bolchévique. Qu'est-ce qu'elle était belle, la Légion Wallonie. Pour l'Europe nouvelle, j'ai sacrifié ma vie. Partis à l'aventure de toute la Belgique, détruire la pourriture judéo-bolchévique. Retranchée en Estonie, la tristesse investit nos cœurs. Notre unité est en déroute, on vide les derniers chargeurs. Le commandeur Léon de Grelle nous ordonne de nous disperser. Cette fois, c'est la fin de la guerre. Désormais, ils vont vous traquer. Fuyez, fuyez, fuyez, pendant qu'il en est encore temps. Rentrez chez vous, défendre vos enfants. Adieu mes chers camarades combattants. Partez pour ne pas finir dans les camps. Qu'est-ce qu'elle était belle, la Légion Wallonie. Pour l'Europe nouvelle, j'ai sacrifié ma vie. Partis à l'aventure de toute la Belgique, détruire la pourriture judéo-bolchévique. Qu'est-ce qu'elle était belle, la Légion Wallonie. Pour l'Europe nouvelle, j'ai sacrifié ma vie. Partis à l'aventure de toute la Belgique, détruire la pourriture judéo-bolchévique. En Belgique, je suis rentré après cette belle épopée. Non, nous n'avons peut-être pas gagné, mais je n'ai rien à regretter. Quand chez moi je suis rentré, à peine le temps de frapper. Quand chez moi je suis rentré, je n'aurais pas pu deviner. Soudain, des balles, oui, ce sont bien les bruissements de leurs rafales. Les résistants qui m'accueillent avec des balles. Je m'écroule lentement devant ces chacals, juste devant ma maison natale. Qu'est-ce qu'elle était belle, la Légion Wallonie. pour l'Europe nouvelle. J'ai sacrifié ma vie, partis à l'aventure de toute la Belgique, détruire la pourriture judéo-bolchévique. Qu'est-ce qu'elle était belle, la Légion Wallonie, pour l'Europe nouvelle. J'ai sacrifié ma vie, partis à l'aventure de toute la Belgique, détruire la pourriture judéo-bolchévique. J'ai le cœur noir et c'est pas vos balles qui m'ôteront ce sourire. Car aujourd'hui, je meurs comme un fasciste. Je tends mon bras, je crève et surtout je vous emmerde. De toute façon, ce monde, je me marre de ce qu'il en reste. Maman, je voulais te revoir depuis si longtemps. Et c'est dans mon sang que je me noie alors que tu ouvres la porte. Oui, c'est comme ça en Occident qu'on remercia les combattants qui ont lutté, risqué leur vie pour la grandeur et la beauté. Qu'est-ce qu'elle était belle, la Légion Wallonie, pour l'Europe nouvelle. J'ai sacrifié ma vie, partis à l'aventure de toute la Belgique, détruire la pourriture judéo-bolchévique. Qu'est-ce qu'elle était belle, la Légion Wallonie, pour l'Europe nouvelle. J'ai sacrifié ma vie, partis à l'aventure de toute la Belgique, détruire la pourriture judéo-bolchévique. Qu'est-ce qu'elle était belle, la Légion Wallonie, pour l'Europe nouvelle. Nous avons voulu quelque chose de grandiose. Nous avons offert nos vies pour cela. Nous l'avons offert pour vous. Voyez ce qui s'est passé. Voyez comment nous vous avons aimé. Et peut-être un jour, qui sait, vous, à votre tour, vous nous aimerez.